Chunga, chunga, chunga. Au cœur de la vie, dans la jungle profonde, envahi par les moustiques, sa belle chevelure blonde. J'ai son amoureuse, d'un sourire satisfaite, salue la broussailleuse en fourrure de sa crête. Chunga, chunga, chunga. L'on se corps marqué, après bien tant d'efforts, s'écroule épuisé, dégoûté, rêve de mort. J'ai son amoureuse, d'un sourire satisfaite, entend la voix caverneuse de Tarzan qui s'inquiète. Chunga, chunga, chunga. Chemin faisant dans la scène tropicale, on m'en dit qu'il est grand, on voit l'amour mal. J'ai la si curieuse, d'un sourire satisfaite, tout d'un coup silencieuse, au village de la feuille. Fais la queue comme tout.